Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans l'Esprit Libre. Nous sommes le jeudi 13 octobre et nous sommes partis pour une heure environ de musique enregistrée dans un grenier au milieu de cartons, jeux de société, plein de trucs qui traînent, comme dans tout bon grenier. Vous qui me suivez, sachez que je m'efforce à chaque parution d'écouter ce que je produis pour ne pas faire les mêmes erreurs. Au programme ce soir, dès la première partie, vous pourrez écouter Les Cure avec Lullaby et Van Halen avec Ain't Talking About Love, mais parce qu'il faut un démarrage à tout, je vous propose de débuter ce cinquième épisode avec Saumur. Titre de Trust est disponible sur l'album Répression. Bonne musique à tous, vous écoutez L'Esprit Libre. Dis donc, bah du cul, j'ai l'impression que t'as un problème, là. Quoi ? Ouais, j'ai la sensation que t'hésites entre te laisser pousser les jambes ou t'acheter une jupe. Quoi ? C'est ambigu, non ? Je te situe pas, là. Et ton escorte ? C'est ton label de virilité ? Non, mais dis-nous qu'on sache, quoi. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ça fait des mots ? Pétasse, va. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Tu veux que je te donne ta mère ? Toi, mon pote ? Et arrêtez vos conneries ! Merde, Gérard, tu m'emmerdes ! Pauvre con, hein. Vous faites deux beaux connards, attends, hein. Calme-toi, il m'a cherché, lui. C'est vrai, quoi. T'es tranquille. Hé hey ! Achète une jupe. Pour plaire, chez l'école est monté. Méthode militariste, gens sur lesquels je pisse. stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Sa vie. Yeah. music will never die. Well, if you're feeling like it, go get your lover and a reel and rock it. Roll it over and you move on up now. Go for cover and you reel and rock it. Roll it over, Beethoven. Sticking in the rhythm and blues. Run over Beethoven. honk honk honk a danta et je prône un état ma palou la licha on pomp a licha ils sont clandérés Passion lady Passion lady Give up your vows Give up your Voici pour vous faire un petit coucou et pour vous dire que vous venez d'entendre dans la deuxième partie de ce modeste fichier sonore le groupe Electric Light Orchestra avec Roll Over Beethoven en live, Exception avec Dharma for One et enfin les Doors et Roadhouse Blues. Voilà. Pour continuer et aller tranquillement vers la fin, je vous ai mis au menu les Outlaws avec Green Grass and High Tides, Iggy Pop avec Sunday et enfin Savoy Brown avec Poor Girl. Un petit menu de choix pour vos oreilles, surtout faites-vous plaisir, écoutez Esprit Libre. Ceci est une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12, la meilleure affaire de chez Prix Bas. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de $180. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Chez Prix Bas, les prix sont bas. C'est clair ? Maintenant, je vous jure que le prochain primate qui me cherche de loin ou de près, je le désosse ! High clouds forever. again arrived and it jet you here. Green grass and hot eyes forever. Castles and stones slowly pouring. Lost faces say we adore you. As kings and queens bow and pray for you. She even wears a Persian cat. She's a poor girl. Et voilà, nous arrivons donc à la fin d'Esprit Libre, l'épisode numéro 5. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous laisse pas seul. Pour terminer, le petit bonus avec Offspring et Génocide. Je vous souhaite une excellente soirée encore et merci pour votre fidélité. goes inside our own. I bet you lead the way if we're up to you to decide. Especially enjoyed that one. Let's see what's next.